mon armure. Qu'importe la rumeur, si le fruit est mûr, oh, moi je pleure, moi je pleure. Moi je pleure. Je me laisse porter par cette funeste danse. Je sais souffrir, vous ne voulez pas libérer mes émotions, je ne devrais pas. Et pourtant je pleure, j'abaisse mon armure. Qu'importe la rumeur, sans souffrance, on ne trouvera pas les mois.